Tic-tac, tic-tac, tic-tac. L'actualité, on en parle. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Avec Jean-Yves Breteau et son invité. Et pour ce 25e rendez-vous politique de la rédaction de Radio Alpa, l'actualité, on s'en parle cette semaine avec Sylvie Tolmont, députée socialiste de la Sarthe. Bonjour Sylvie Tolmont. Bonjour. Alors il y a un an, jour pour jour, vous deveniez députée de la 4e circonscription de la Sarthe. Stéphane Le Foll, dont vous êtes la suppléante, étant reconduit à son poste de ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Ce lundi, ça ne vous a pas échappé, les lycéens ont passé l'épreuve philo du bac 2013 et l'un des sujets du bac S, poser la question, peut-on agir moralement sans s'intéresser à la politique ? Que vous aurait inspiré ce sujet ? Alors, répondre en deux secondes à un vaste sujet comme celui-ci va être difficile. D'abord, je trouve que c'est un sujet passionnant. Comme ça, rapidement, je dirais que effectivement, on peut s'intéresser à la morale ou faire de la morale sans s'intéresser à la politique. Je le crois aussi. Pour autant, la politique n'est pas un gros mot. L'action politique fait partie intégrante de notre vie quotidienne. Alors, vous avez vécu votre première mandature jour à jour. Quel est votre bilan de cette première année à l'Assemblée nationale ? La première chose à laquelle je penserai, c'est une année dense, extrêmement dense à tout point de vue, au point de vue personnel évidemment, puisque j'ai fait mon entrée, comme vous l'avez dit, il y a juste un an à l'Assemblée nationale, donc il m'a fallu changer radicalement mon mode de vie, donc et découvrir cet univers très particulier qu'est celui de l'Assemblée nationale. Pour autant, je ne viens pas de naître, même si je ne suis pas un bébé de la politique. J'ai derrière moi une expérience professionnelle de 25 ans, donc c'était une nouvelle mission, un nouveau cadre. Il était question de simplement assumer ses nouvelles responsabilités et faire le job. Ensuite, c'est une année dense aussi du point de vue du travail législatif. Hein. Je me suis laissé dire que nous avions battu le record du nombre de textes votés à l'Assemblée. Il était important, évidemment, de faire ce travail parce que les attentes de nos concitoyens sont importantes et il était fortement question de tenir les engagements du président de la République. Et puis, au-delà de ce travail de l'Assemblée, il y a eu le travail sur le terrain, qu'il s'agisse de ma présence sur tout le territoire de la 4e, mais aussi ce qu'on voit moins dans l'activité d'un député, tout le travail d'écoute, et d'accompagnement des concitoyens, des collectivités et des associations. Est-ce qu'il y a une séance parlementaire qui vous a marqué plus que d'autres ? Plusieurs m'ont marqué. Évidemment, celle concernant le mariage pour tous. Je ne veux pas en faire plus que ça sur ce texte. C'est un texte majeur, mais ça a été un moment très important. Parce que, d'abord, le travail dans l'hémicycle a été très long, pas toujours des plus intéressants, je dirais, compte tenu des discours de l'opposition que je trouvais quelque part un peu dangereux, et puis aussi avec tout ce qui s'est passé autour dans la société, avec une radicalisation des anti-mariage pour tous. Donc il y a évidemment ce texte-là, personnellement étant membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation, évidemment, le travail réalisé sur la loi de refondation de l'école m'a particulièrement occupée. Dont on reparlera dans quelques instants. Est-ce que finalement, dans votre rôle de député, qui est celui de voter les lois, vous avez voté toutes les propositions de loi ou il y a certaines lois sur lesquelles vous êtes abstenu, vous avez voté contre ? J'ai voté toutes les lois sans aucun état d'âme. Je dirais que en ce qui me concerne, je ne suis pas là pour, j'allais dire, me faire remarquer. Je ne dis pas que mes collègues qui s'abstiennent ou votent contre nos lois veulent absolument se faire remarquer, mais en tout état de cause. Ça peut être de la conviction aussi. Hein. Tout à fait, bien entendu. Pour autant, cette conviction, elle peut s'exprimer à l'intérieur du groupe socialiste. Nous avons des réunions de groupe hebdomadaire, deux fois par semaine, et tous les textes que nous défendons dans l'hémicycle sont discutés dans le groupe. Mmh. Donc je dirais que le débat entre nous a lieu là. À partir du moment où on a pris une décision commune, on suit ce que nous avons décidé dans l'hémicycle. Et puis je dirais autre chose, en ce qui me concerne, je soutiens François Hollande auprès de Stéphane Le Foll depuis longtemps, en particulier depuis 2009. J'ai été active sur la campagne et des primaires et des présidentielles. Mmh. Donc voilà, je porte aussi le projet du président. Alors Sylvie Toulmont, ça m'intéresse ce que vous venez de nous dire, c'est-à-dire qu'en tant que député, même si vous ne seriez pas d'accord avec un texte, au nom de ce qui est discuté au sein du groupe du Parti Socialiste, vous le voteriez même si vous n'êtes pas d'accord ? Alors, c'est pas en ces termes-là. C'est comme ça que je l'ai entendu. Oui, mais c'est pas aussi radical que ça. Je dirais que moi, à aujourd'hui, je n'ai pas trouvé à m'opposer aux différents textes qui étaient portés par mon groupe. Je rappelle quand même que je fais partie de la majorité et que cette majorité soutient le projet gouvernemental. Alors, il y avait une élection législative partielle ce dimanche 16 juin à Villeneuve-sur-Lot pour remplacer Jérôme Cahuzac. Le candidat socialiste a été écarté du second tour qui met donc face à face un candidat UMP et un candidat du Front National. Depuis un an, c'est la 8e élection législative partielle que le PS perd. Est-ce que cette succession d'échecs vous interroge ? J'hésitais sur le nombre. Je ne suis pas au même nombre que vous, mais peu importe, effectivement, le nombre. Elle m'interroge. Évidemment qu'elle m'interroge. Ça n'est jamais agréable de perdre successivement des partiels. Pour autant, il ne faut pas donner à ces élections partielles le poids qu'on veut bien leur accorder aujourd'hui. On est sur des contextes très particuliers. Là, en l'occurrence, dans le Lot-et-Garonne, il y a les faits quand même, Cahuzac. Mmh. Ça, c'est ce qu'a dit Jean-Marc Ayrault. Ben écoutez, je n'avais pas entendu mon premier ministre, mais tant mieux si je dis la même chose que lui. Effectivement, donc on a aussi une dans notre pays en particulier, j'en parlais tout à l'heure avec le mariage pour tous, on a aussi une radicalisation de l'extrême droite en particulier. Donc voilà, je n'en fais pas plus que ça sur le sujet. Par contre, effectivement, il faut rester absolument vigilant. Alors le candidat socialiste, lui, a dit qu'il regrettait que certains électeurs de gauche ne s'étaient pas déplacés pour aller voter parce qu'il faisait beau. D'autres ont reproché aux Verts d'avoir pas fait la liste d'union qui était attendue. En tout cas, un an après l'élection de François Hollande à la présidence de la République, il a été publié 101 raisons de faire confiance à la gauche et à ses actions au service des Français, qu'on peut d'ailleurs retrouver sur votre blog. Est-ce que, de par ces élections, de par cette succession d'échecs, il y a un problème de confiance de l'électorat populaire aujourd'hui, notamment avec le Parti Socialiste? C'est l'analyse qui en est faite. Pour autant, on est dans une situation extrêmement difficile, tout le monde s'accorde sur le sujet. Le président de la République lui-même a dit je suis président au pire moment. Pour autant, il s'attendait pas à des choses très très faciles. Il pensait que la crise n'était pas non plus aussi importante à l'époque où il en parlait. Je ne crois pas que François Hollande ait imaginé une seule seconde que la crise n'était pas aussi importante. Donc crise de confiance, je dirais pas ça. Une situation extrêmement difficile, hérité aussi de 10 ans de droite et en particulier de 5 ans de sarkozysme, une situation difficile, des attentes nombreuses de la part de nos concitoyens et évidemment en politique, lorsque ça fait un an, certes, beaucoup de choses ont été faites. Vous avez rappelé les 101 raisons de faire confiance à la gauche. Je conseille à tout le monde de relire ce texte qui précise tout ce qui a été fait depuis un an. Or, les fruits d'une politique ne se mesure pas rapidement. Donc, nous avons bon espoir de mesurer les fruits en l'occurrence. Alors, de par cette succession de mauvais résultats, est-ce que ça peut laisser présager de mauvais résultats, là aussi, pour les listes socialistes aux municipales de 2014, ou pas ? Bah, écoutez... la situation actuelle, tout le monde se le dit. Il y a cet aspect-là aussi des choses. À force de se dire que les choses vont mal, je ne dis pas que la situation est difficile pour, n'est pas difficile pour nos concitoyens. Nous verrons et nous serons mobilisés au moment des élections municipales. Mais en l'occurrence, je ne suis pas sûre que les résultats des partiels puissent absolument indiquer quels seront les résultats aux municipales. Les municipales, c'est un peu différent. On vote aussi pour des personnes que nous connaissons qui sont déjà la plupart du temps au travail, qu'on a pu tester. Donc bon, voyons les municipales en leur temps. Parmi les principales lois votées sous cette première mandature, la loi sur la refondation de l'école en deuxième lecture, c'était début juin, qui donne une priorité aux primaires et qui traduit plusieurs promesses de la campagne de François Hollande, avec notamment la création de 60 000 postes d'enseignants sur 5 ans. C'est le sujet d'actualité que vous avez proposé pour notre émission, et pour cause, vous êtes donc intervenu pour que soit introduit dans le texte le rôle du conseiller d'orientation psychologue dans l'orientation en fin de collège. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi son rôle est déterminant et qu'il doit être mieux reconnu ? Alors, plus globalement, sur la question de l'orientation, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et qui est important. Hein. Et qui est important, puisque je rappelle que j'ai passé 25 ans auprès de jeunes dans le domaine de la formation professionnelle. Or, aujourd'hui, dans notre pays, l'orientation se fait par échecs successifs. La voie royale est toujours la voie de l'enseignement général. Ensuite, la voie professionnelle et l'apprentissage, vraiment, quand on n'a pas d'autres solutions. Et je trouve qu'on n'écoute pas assez le jeune, ses désirs, et on oriente simplement par des résultats, des notes. Et donc, je pense qu'il est nécessaire de revaloriser toutes les voies de formation. Alors, juste sur l'amendement que j'ai présenté dans le cadre de ce texte de loi, c'était simplement de réintégrer le conseiller d'orientation psychologue dans la communauté éducative, parce que à l'origine dans le texte, il n'y figurait pas. Je considère que le conseiller d'orientation psychologue, qui n'est pas partie intégrante de l'équipe pédagogique au sens propre du terme, et donc peut avoir un regard sur les aspirations du jeune et être à l'écoute des familles, sans être forcément attaché au résultat scolaire. Voilà, puisque vous parlez du résultat scolaire, est-ce que ça veut dire que vous prenez le rôle qui doit être le sien, celui d'orienter, d'aller davantage vers les filières professionnelles ou encore l'apprentissage ? Je pense que dans notre pays, les filières professionnelles ne sont pas assez valorisées. Et il me paraît important de bousculer un peu les mentalités sur le sujet. Voilà, je considère que pour réussir sa vie d'homme, de femme et de citoyen, toutes les voies sont possibles. Mais sur la question de l'orientation, le projet loi va beaucoup plus loin, puisque l'objectif, c'est d'instaurer des parcours d'orientation de la 6e à la 3e, et pas seulement en fin de 3e. Alors, la loi sur la refondation de l'école réinstaure une formation des enseignants dès la rentrée 2013 avec les écoles supérieures du professorat et de l'éducation, qu'on appelle l'ESPE. Dans un communiqué de jeudi dernier, l'intersyndicale de l'IUFM du Mans, l'Institut universitaire de formation des maîtres, craint un rendez-vous raté pour la rentrée 2013, en tout cas dans les pays de la Loire, ce qui semble être le cas à l'université de Nantes, qui essaie de régler ses problèmes financiers sur le compte de l'ESPE en gestation. La formation continue des enseignants serait elle aussi en danger. Alors, Sylvie Tolmont, suite à l'autonomie qui a été donnée aux universités en 2007, certaines d'entre elles rencontrent de sérieuses difficultés financières, personne ne peut l'ignorer, c'est le cas notamment à Nantes, mais aussi le cas de l'université du Maine qui est obligée de piocher dans ses réserves. Comment l'État peut-il s'assurer de réussir les objectifs qu'il met dans la création des écoles du professorat si les moyens ne le permettent pas ? Alors, sur le dossier particulier de ce communiqué que vous avez reçu concernant l'IUFM du Mans, c'est ça. Bon, je n'ai pas les données précises sur le sujet. L'idée, quand même, de cette création des ESP. Alors, je veux pas botter en touche sur le sujet, mais en même temps, je n'ai pas suffisamment d'éléments, et donc j'invite évidemment les personnes qui vous ont adressé ce communiqué, pourquoi pas, à prendre contact avec moi, et j'essaierai en tout cas de faire remonter l'information. Mais plus globalement, on est à la mise en place des SP. Pourquoi ? Pendant les 5 dernières années en particulier, la formation des enseignants, l'éducation au sens large, à mon sens, a été complètement massacrée. L'idée, c'est de redonner aux futurs enseignants une véritable formation. Être enseignant, c'est un métier qui s'apprend, un métier difficile, et on ne peut absolument pas décider que tel jeune va pouvoir se retrouver face à une classe, alors que il n'y a pas, à mon sens, de bonne éducation scolaire, en tout cas, sans bons enseignants bien formés. Alors ça, Sylvie, tout le monde, on a tous compris. La question, c'est est-ce que ça va réussir ce projet, si les moyens que nécessite ce projet ne sont pas au rendez-vous? Alors, il y a des moyens de mis à la disposition des SP. Voilà. Mais peut-être pas suffisamment pour... c'est ce que semble dénoncer l'UFM. Encore une fois, je ne connais pas exactement les reproches exacts de ces personnes. Donc, porter une analyse, j'ai besoin d'avoir des données plus précises. Est-ce qu'il aurait fallu remettre en cause finalement cette autonomie des universités qui tend à témoigner que c'est pas facile de gérer une université? Non, je ne crois pas qu'il faille remettre en cause, mais la loi de 2007 n'allait pas assez loin. Et effectivement, on a oublié la question des moyens. Donc il faut maintenir l'autonomie des universités? Je pense, mais dans un cadre national et avec un accompagnement par des moyens. Tic-tac. Vous nous l'avez dit, vous siégez à la commission des affaires culturelles et de l'éducation. Vous y représentez un comité dans le cadre d'une mission d'évaluation des politiques publiques en faveur de la mobilité sociale des jeunes. Quel est l'objet de cette évaluation ? Alors, je précise qu'effectivement, je siège dans cette instance comme représentant de la commission des affaires culturelles et d'éducation, avec un groupe de députés et deux co-rapporteurs, Régis Joannisco et Monsieur Poisson, pour l'opposition. Donc, depuis quelques mois, chaque semaine, nous auditionnons des personnalités qui interviennent dans le champ de la multitude de dispositifs à l'attention des jeunes, sachant que il est important à l'Assemblée nationale d'évaluer nos politiques publiques. Vous le savez, sur la question de la mobilité sociale des jeunes, de nombreuses politiques ont été menées, beaucoup de financements ont été apportés, on a des dispositifs nombreux et variés, in fine, on a 150 000 jeunes par an qui sortent du système scolaire sans qualification. Donc, il est nécessaire d'aller revisiter l'ensemble de ces politiques. Donc voilà, nous en sommes aux auditions. Un rapport sera rédigé à l'issue. Voilà, l'idée, c'est de réduire les inégalités entre les jeunes ? Absolument. Absolument, et surtout faire en sorte que le destinataire des mesures, le jeune, sa famille, ait une vision beaucoup plus claire de l'ensemble des possibilités qui s'offrent à lui. Alors cette évaluation a aussi été mise en place face à la précarité qui touche les jeunes. Certains sont au chômage, mais il y a aussi des jeunes qui travaillent, qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Et justement, elle s'intéresse à l'emploi des jeunes qui sont aussi peu qualifiés. Alors comment vous expliquez, vous, le fait qu'il n'y ait pas autant d'emplois d'avenir de signés par rapport aux objectifs des 100 000 d'ici fin 2013, sachant que nous sommes pratiquement, nous venons de quitter la fin mai. Nous sommes au mois de juin. Voilà, nous venons à la fin mai, ils étaient 25 000 seulement à avoir contracté un emploi d'avenir. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, 25 000 pour le moment. Ensuite, des contrats sont entre guillemets dans les tuyaux. Là encore, à partir du moment où vous mettez en place une mesure telle que celle-ci, il faut que, en tout cas, les collectivités, en l'occurrence, s'approprient la mesure. Moi, j'ai de bons espoirs, en particulier sur la Sarthe. Nous sommes au mois de juin, la fin décembre, nous pourrons faire les comptes. Mais voilà, à partir du moment où on met en place une mesure, il faut le temps de l'appropriation par le terrain, entre guillemets. Alors, ça pose peut-être une autre question qu'il faut aussi politiquement se poser, c'est est-ce qu'on peut confier un travail à quelqu'un qui n'est pas qualifié, qui n'a pas de formation ? Est-ce qu'on peut confier un travail à quelqu'un qui n'est pas qualifié, qui n'a pas de formation ? En l'occurrence, nous avons aujourd'hui des jeunes qui sont issus, sortis du système scolaire, sans qualification, avec de grosses difficultés. Que faisons-nous de ces jeunes-là ? Oui, c'est une vraie question. Nous travaillons, nous, pour l'avenir, mais ces jeunes-là, l'objectif des emplois d'avenir, c'est justement mettre un pied à l'étrier de ces jeunes sur des emplois d'avenir, aussi pour les rapprocher du travail. Et dans l'emploi d'avenir, dans le contrat emploi d'avenir, il y a tutorat et formation, c'est-à-dire accompagnement. L'objectif majeur, c'est ça, c'est de remettre le pied à l'étrier, de ramener des jeunes vers le travail. Alors on parle des jeunes qui sont peu qualifiés ou pas du tout qualifiés. Qu'est-ce qu'on fait des jeunes qui sont qualifiés, qui n'ont pas d'emploi ? Qu'est-ce qu'on fait des jeunes qui ne sont pas qualifiés et qui n'ont pas d'emploi ? Qui sont qualifiés, qui n'ont pas d'emploi. Alors déjà première chose, on peut une autre mesure phare de notre politique, c'est le contrat de génération qui permet aux entreprises et en particulier aux PME à la fois de pérenniser l'emploi des seniors. Non, ça aussi un problème important dans notre pays. Pour l'instant, ça marche pas trop bien non plus le contrat de génération. Mais là encore, même réponse. Il faut là aussi que les entreprises. Moi, les discussions que j'ai avec certains chefs d'entreprise, bon, pour le moment, ils ont bien compris que la mesure était intéressante. Après, c'est la mise en œuvre. Voilà, il faut s'approprier. Mais donc, c'est une mesure qui permet aussi l'embauche des jeunes, sans mettre à l'extérieur les seniors. Si vitalement, en gros, vous êtes en train de dire aux jeunes, soyez patients. Ah non, je dis pas ça. L'impatience peut être un moteur aussi. Après la réforme du rapport Moreau, le débat sur la nouvelle réforme des retraites va commencer avec les syndicats. Lors de la conférence sociale de ce jeudi, le gouvernement fera connaître ses propositions à la fin de l'été pour les soumettre au débat en septembre à l'Assemblée nationale. Alors tout le monde sera mis à contribution, c'est en tout cas ce qu'a indiqué François Hollande ce dimanche dans l'émission Capital de M6. Cette cinquième réforme des retraites en 20 ans doit résorber un déficit qui pourrait atteindre 20 milliards d'euros d'ici 2020 si rien n'était fait. Pour cela, le gouvernement peut actionner plusieurs leviers, mais alors lesquels, c'est la question. Vaut-il mieux allonger de 4 ans la durée de cotisation qui passerait de 41,5 à 46 annuités, faire payer les retraités, faire payer les salariés, faire payer les employeurs, supprimer les inégalités entre le privé et le public. En tout cas, il n'est pas question, pas du tout question, de toucher à l'âge légal du départ à la retraite qui resterait, lui, à l'âge de 62 ans. Sylvie Thaumont, est-ce que le gouvernement ne peut pas faire mieux que de mécontenter beaucoup de Français ? Je suis pas d'accord avec vous sur le mécontentement des Français, puisque vous allez voir quand vous allez leur annoncer 4 annuités en plus, faire payer davantage les cotisations. On n'en est pas là. La première chose, c'est que simplement, moi, je ne fonctionne pas aux enquêtes d'opinion, mais quand même, ce qui se dit aujourd'hui, c'est que chacun d'entre nous, globalement, sait que de toute façon, il est nécessaire de faire quelque chose pour ce système de retraite. En tout cas, il est important de le pérenniser. Effectivement, vous l'avez rappelé, on est confronté à un large déficit. Je précise quand même que vous me parlez du rapport de Yannick Moreau. Mmh. C'est donc un rapport qui fait un état des lieux, qui ouvre des pistes. Qui donne des préconisations. Des préconisations. Vous l'avez rappelé aussi, conférence sociale, ouverture de la conférence sociale cette semaine. Comme depuis un an, le gouvernement va utiliser la même méthode de concertation et de négociation. La réforme des retraites ne sera pas calquée sur le rapport Moreau. Il faudra qu'autour de la table, il y ait les partenaires sociaux. Pour autant, effectivement, nous sommes confrontés à une situation difficile dans ce système de retraite, puisqu'on a un déficit important, ça a été dit. On a aussi une crise économique avec un chômage endémique qui ne favorise pas. On a aussi l'arrivée à l'âge de la retraite des papy boomers. Je les mets pas en cause, mais en tout état de fait, ils sont là. Donc, pour nous socialistes, il est important de maintenir ce système de retraite par répartition. Il est important de tenir compte, de rétablir un peu d'égalité. Et je pense aux salariés exposées aux travaux pénibles. Je pense aux femmes qui ont des carrières quelquefois heurtées, aux jeunes qui entrent difficilement et de plus en plus tard sur le marché du travail. L'idée n'est pas d'opposer les retraités, les actifs, les fonctionnaires ou les salariés du privé. L'idée est de faire en sorte que ce système soit maintenu dans la justice et l'égalité. Alors Sylvie Tolmont, on va voir un certain nombre de leviers possibles. Il peut donc être envisagé d'augmenter les cotisations patronales, ce qui aurait pour conséquence d'augmenter le coût du travail. Est-ce que ce n'est pas risqué dans le contexte économique actuel? Alors, sur le sujet, moi encore une fois, je vous le dis, nous n'en sommes pas au projet de loi. Vous aurez à prendre une décision en moment en tant que député, si c'est quand proposé. Quand le projet de loi sortira, il n'est pas dit que, en particulier, cette augmentation de cotisation patronale soit retenue. Encore une fois, attendons les résultats de cette conférence sociale. En tout état de cause, on est dans une situation, effectivement, tout le monde le sait, où nous devons tous, hein, collectivement, faire des efforts. L'essentiel étant, je rappelle tout le temps, mais l'essentiel étant que ces efforts soient mesurés et justes. Alors, il peut aussi être envisagé d'augmenter les cotisations salariales, ce qui aurait pour conséquence de baisser encore le pouvoir d'achat. Est-ce que ce n'est pas un risque de devenir impopulaire? Si j'en crois ce que vous avez annoncé au début, il semblerait que nous soyons impopulaires. Je crois que c'est un temps et que, là encore, je ne suis pas une optimiste forcenée, hein, qui ne regarde pas la réalité en face. Je crois véritablement à la politique que nous menons. François Hollande l'a dit, la question n'est pas de gérer le pays à l'aune des sondages, hein, des sondages d'opinion et à l'aune de la popularité. L'idée, c'est mettre en œuvre une politique qui nous permette de sortir de ces difficultés. Sylvie Tolmont, on va se dire franchement les choses. Vous avez combattu la réforme François Fillon concernant les retraites. Finalement, quand vous arrivez au pouvoir, vous voyez que vous ne pouvez pas faire autrement et que ces réformes étaient justifiées. La méthode sera différente. Premièrement, mais ça changera rien au programme. Hein. Pourquoi vous dites ça? La méthode sera différente et là encore, les partenaires sociaux vont pouvoir être autour de la table et s'exprimer. Donc, je ne préjuge pas de la loi qui viendra. Elle viendra à l'Assemblée à la fin de l'année. Alors, l'âge moyen de départ à la retraite est de 62 ans pour le privé, contre 55,1 ans pour les retraités, les salariés de la SNCF, et 54,4 ans pour ceux de la RATP. Est-ce qu'il faut toucher aux régimes spéciaux pour permettre un traitement équitable entre tous les salariés, qu'ils soient du privé comme du public? Alors, sur les régimes spéciaux, il est bien évident, mais déjà, je crois, hein, déjà, il y a eu des efforts de fait, en particulier pour les salariés de la SNCF. Là encore, la politique a changé. Nous ne sommes pas là pour opposer les uns et les autres. Sur les fonctionnaires et sur la durée de cotisation, de référence. Mmh. Il faut savoir quand même que les fonctionnaires ont une retraite qui ne tient pas compte des primes qui rentrent dans leur salaire tout au long de leur carrière. Mmh. Donc voilà, encore une fois, je suis pas sûre qu'on puisse dire que dans notre pays, nous ayons des nantis. Par contre, tout doit être mis sur la table et encore une fois, l'essentiel est d'être juste dans les efforts demandés à chacun. Alors on parle du pouvoir d'achat, ce sera ma dernière question. On sait que l'électricité va augmenter, c'est le cas aussi du gaz, l'augmentation du prix du tabac de 40 centimes en juillet avec un coût moyen du paquet qui passe à 7 euros quand même. L'augmentation de la TVA en janvier 2014, sauf pour les produits de première nécessité qui baissera, elle, à 5%. Alors, on sait que le combat politique du président Hollande, c'est la croissance. Alors, ma question est, comment peut-on relancer la croissance économique par la consommation quand les mesures baissent le pouvoir d'achat? C'est toute la difficulté actuelle, c'est-à-dire que le président et le gouvernement ont annoncé qu'on entrait dans une phase de sérieux budgétaire. Il est indispensable d'améliorer l'état de nos comptes publics. Alors effectivement, mais c'est pas un scoop, ça demande effectivement des efforts pour chacun. on demande plus d'efforts aux gens plus plus aisés, évidemment. Vous savez que les petits travailleurs ont presque une réponse et une suggestion à vous faire, c'est qu'on sait que l'État cherche des recettes. On parle de 60 milliards d'évasion fiscale, ce qui correspond pratiquement à 3 fois le trou de la sécurité sociale. Alors ma question est simple, que se posent tous les petites gens, là, la France d'en bas, comme disait Jean-Pierre Raffarin, que peut faire l'État pour réguler le système? Bon, déjà, un de mes collègues députés, Yann Gallu, dirige un groupe de travail justement sur l'exil fiscal. Donc, réinvitez-moi pour aborder ces conclusions. Ce que nous ne manquerons pas de faire, Sylvie Tolmont, merci d'avoir commenté l'actualité sur Radio Alpa. Cette émission est rediffusée le mercredi à 8h30 et le dimanche à midi. Vous pouvez aussi l'écouter en podcast sur radioalpa.com. On va se quitter avec Médéric Collignon, qui est votre choix musical. Absolument. Donc, quand vous m'avez demandé d'apporter un CD, je vous ai apporté le CD qui passe dans ma voiture en ce moment. C'est un musicien talentueux que j'avais découvert dans le cadre du festival de jazz, dans le cadre de l'Europa. Il était tête d'affiche cette année et j'ai pu l'applaudir lors d'un fabuleux concert il y a quelques semaines. On écoute donc Médéric Collignon. Merci Alexandre Maladry pour la réalisation technique de cette émission. La semaine prochaine, je recevrai Dominique Le Ménère, député UMP de la Sarthe.